Le réveil qui grelotte, son cri d'épileptique, il est déjà 6 heures. La lampe qui s'allume, brûlant comme un acide, et qui déchire ses rêves, Monsieur Clément se lève, allume la radio, et dans ses yeux, la nuit laisse ses plis. La première cigarette écrasée dans l'évier pour pouvoir se raser. L'odeur de chlorophylle pour un sourire moins jaune. Et l'odeur de café, Monsieur Clément s'habille et s'en va travailler. Et dans ses yeux, la nuit laisse ses plis. Dans son train de banlieue, il regarde passer les néons de la ville. Son dortoir qui s'éloigne, son béton de campagne pour sa machine outil. Monsieur Clément regarde le soleil se lever, et dans ses yeux, la nuit laisse ses plis. La sirène qui aboie, résonnant aux parois de son cerveau malade. Ses gestes automatiques dans les bruits mécaniques de l'acier qui se tord. Monsieur Clément travaille ainsi depuis 20 ans. Et dans ses yeux, la vie laisse ses plis. Pendant que le soleil se tord en liberté, pendant que le soleil se dort en liberté, liberté, liberté, liberté, liberté, liberté.